et il ne dévoile, pas les intimités. Mu'amminun lirrawa'at, il rassure les peurs. Wa muzilun, ou contre les peurs. Wa muzilun lilkurubat, et il dissipe les malheurs. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, il dit, lui le Très-Haut, Abdi, adhkuruka wa tansani. Ô mon adorateur, je t'évoque, mais tu m'oublies. Wa asturuka wa la takhshani. Je ne dévoile pas tes défauts et tes erreurs, mais tu ne me crains pas. لو أمرت الأرض لابتلعتك في حينها. Si je donne mes ordres suprêmes à la terre, elle t'enterrera sur le champ. ولو أمرت البحار لأغرقتك في معينها. Et si je donne mes ordres suprêmes aux mers et aux océans, ils vont te faire noyer dans leur profondeur. ولكن أؤخرك إلى وقت أقدت. Mais je te retarde jusqu'à un certain délai que j'ai fixé auparavant. ولا بد لكل نفس من المرور عليه. Et il est nécessaire pour toute personne de passer devant moi. ومن الوقوف بين يدي, et de s'arrêter entre mes mains. أذكرك أفعالك, pour que je te rappelle tes actions. وأحاسبك أعمالك, afin que je juge tes œuvres. حتى إذا أيقنت بالبوار, et lorsque tu es sûr et certain de ta perdition. وأدركت أنك من أهل النار, et lorsque tu vas comprendre sûrement que tu fais partie des gens de l'enfer. أوليتك غفراني, je t'accorderai mon absolution. ومنحتك رضواني, et je t'offrirai ma satisfaction. وقلت لك لا تحزن, et je te dirai ne t'attriste pas. فقد غفرت لك الذنوب والأوزار, parce que je t'ai pardonné les péchés et les erreurs. ومن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار, et c'est pour toi que je me suis donné ce nom, le Tout-Puissant et l'Absoluteur. يا رب يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم إن كان أهل الرضا فازوا بما عملوا فمن يجود على العاصين بالكرم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين إجاتس كنطر ماتر إبيان نمي محمد et l'envoyé de Dieu sincère et véridique, كان لسانه صلى الله عليه وسلم ذاكرا. Sa langue ou sa bouche était évocatrice, prière et salut sur lui. وكان قلبه شاكرا, et son cœur était reconnaissant. وكان بدنه على البلاء صابرا, et son corps supportait avec patience toutes les épreuves. سيدي أبا الزهراء يا رسول الله maître père de الزهراء au messager de Dieu أردت أن أحب بشرا فلم أجد من يستحق حبي j'ai voulu aimer une personne et je ne trouvais aucune qui mérite mon amour إلا أنت يا حبيب الله فحبك أمر من ربي à part toi ô bien-aimé de Dieu parce que ton amour est un ordre de Dieu ou un ordre de mon Seigneur. Comment aimerais-je un autre que toi et tu es le médecin de mon cœur? فحبك أمر من ربي فكيف أحب غيرك وأنت طبيب لقلبي صلى الله عليك يا أمير الأنبياء عدد نجوم السماء. Ô maître des prophètes, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adam wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayouha al-ikhwat wa al-akhawat fi l'islam, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on souhaite et on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Innana na'ishu fi fasl ash-shita. On est en train de vivre dans la saison d'hiver. Wa fasl ash-shita fasl tusahibuhu al-amrad al-khatira. La saison d'hiver est accompagnée par beaucoup de maux ou de maladies dangereuses. Wa hunaka man yamut ithra hadhihi al-amrad. Il y a des gens qui meurent suite à ces maladies. Wa inni uhibbu al-yawma an atakallama 'an al-marad. Raison pour laquelle je voudrais aujourd'hui parler de la maladie en islam. La dernière fois nous avons parlé de l'unicité de Dieu, de la foi. Et j'aimerais rester toujours dans ces sujets qui traitent de la foi, qui traitent la foi musulmane. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن لا إله إلا الله, عن التوحيد. وأحب أن أبقى دائما في دائرة التوحيد. وقبل البداية اسمحوا أو اسمعوا هذه الشهادة. Avant le début, écoutez avec moi ce témoignage. يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. أبو ذر الغفاري que Dieu soit satisfait de lui dit, يقول للنبي صلى الله عليه وسلم, il dit au messager de Dieu, prière et sage lui, وأنا أحب ثلاثة يا رسول الله, et moi j'aime trois au messager de Dieu, أحب الجوع والمرض والموت, j'aime la faim, j'aime la maladie et j'aime la mort. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن الناس تكرهها. Le messager de Dieu, prière et sagesse, lui dit, oh Abu Dhar, les gens détestent les trois. فكيف تحبها, comment toi tu aimes les trois. قال أبو ذر, أبو ذر dit, يا رسول الله أحب الجوع لأنني إذا جعت رق قلبي. Au messager de Dieu, j'aime la faim parce que quand j'ai faim, mon cœur devient sensible, devient fin, devient tendre. Et j'aime la maladie parce que quand je tombe malade, mes péchés s'effacent. Et j'aime la mort parce que quand je meurs ou quand je mourrai, je vais enfin rencontrer mon Seigneur. Uhibbu al-jou' li'annani idha ju'tu raqqa qalbi wa uhibbu al-marad li'annani idha maridtu khaffa dhanbi wa uhibbu al-maut li'annani idha muttu laqitu rabbi. أخي أختي frère sœur, إذا جاءك المرض, si un jour mon frère ou ma sœur, la maladie te rend visite, وصبرت, et si tu supportes la maladie avec patience, فصبرك عبادة, ta patience face à la maladie est une adoration. فالمرض إذا وفقك الله للصبر فيه كان عبادة. Dans le cas où Dieu t'aide à supporter avec patience et avec agrément et satisfaction la maladie, ta maladie devient une adoration parmi les meilleures adorations. Ta patience. وَجَزَاءُ هَذِهِ الْعِبَادَةِ عِنْدَ اللَّهِ يُوجَدْ فِي الْآيَ الْكَرِيمَ. le salaire de cette adoration auprès de Dieu se trouve dans ce verset coranique. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. En récompense de leur patience, il leur donna paradis et soie. عِبَادَةَ الْمَرَضِ هِيَ الصَّبْرُ. L'adoration lors de la maladie n'est autre que la patience, l'agrément. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète, prière et salut sur lui, dit: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. La récompense ou le salaire est énorme proportionnellement à l'épreuve qui est énorme. Plus l'épreuve est énorme, plus le salaire est énorme. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ. Le prophète dit, prière et salut, lorsque Dieu aime des gens, il les soumet à l'épreuve, il les éprouve. فَمَنْ رَضِيَا فَلَهُ الرِّضَى. Celui qui agrée l'épreuve, il aura l'agrément de Dieu. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ. Et celui qui s'énerve, il n'aura que la colère et le mépris de Dieu. رواه الترمذي وابن ماجه, rapporté par l'imam al-Tirmidhi et l'imam Ibn Majah. فَمَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ ابْتَلَاهُ. Celui qui est vraiment aimé par Allah, il va se voir ou il se verra éprouvé par Allah. مَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ أتاه الابتلاء. إذا وجدت نفسك لا تمرض, لا تصيبك المصيبة, فتساءل لماذا يا رب, أولا تحبني يا رب. Dans le cas, frère ou sœur, où tu vois que tu ne tombes jamais malade, tu n'as jamais l'épreuve, le malheur ne toque jamais à ta porte, pose-toi la question: pourquoi, Seigneur, est-ce que tu ne m'aimes pas? كان أويس القرني رضي الله عنه يقول, أويس القرني disait, إذا أصابته المصيبة كان يضحك. Lorsqu'il était touché par une épreuve, par un malheur, il riait. وإذا سألوه, et lorsqu'on l'interrogeait, قال هذا الابتلاء علامة على أني من المحبوبين. Il disait, cette épreuve qui m'a touché est un signe comme quoi je fais partie des gens que Dieu a aimés. ثم يبكي. Et après il pleurait. ويقول ماذا فعلت حتى أستحق حب الله. Et après il dit, qu'est-ce que j'ai fait en pleurant pour pouvoir mériter l'amour de Dieu. من أحبه الله ابتلاه. Celui qui est aimé par Allah, il sera mis à l'épreuve. Dieu va tester ton amour pour lui. وأتساءل من أين يأتي المرض. Et je m'interroge, d'où vient-elle ou d'où vient la maladie? من أين يأتي المرض. هناك من إذا جاءه المرض سب المرض. Il y a la personne qui, une fois elle tombe malade, elle insulte la maladie et même l'origine de la maladie et tout ce qui accompagne la maladie. ولم يرضى. Il n'agrée pas le fait d'être malade. ولم يصبر. Il ne supporte pas avec patience. Il ne veut pas se voir sur un lit avec une fièvre, c'est pas pour lui. يا أخي, هذا ابتلاء من الله. Oh frère ou sœur, ce que tu subis, c'est une épreuve de la part de Dieu. يقول, il va dire, الله لم يجد إلا أنا ليبتليني. Il y en a des gens qui vont dire, et Dieu n'a trouvé que moi pour le mettre à l'épreuve. والمرض يأتي من الله. La maladie ne vient que de la part de Dieu. هناك من ينظر إلى الفيروس. Il y a des gens qui regardent le virus, il y a saratan, il y a des gens qui regardent le cancer, il y a sida qui regarde le sida. Et ils oublient Dieu. Et moi je dis, Wallahi mal fayrous, wa saratan, wa ghayruhum, illa rusulum min rabbik. Par Dieu le Très-Haut, le virus, le cancer, le sida et les autres maladies ne sont que des envoyés spéciaux, ne sont que des facteurs de poste envoyés par Dieu subhanahu wa ta'ala. Vers toi. Ma hum illa su'atu barid arsalahum Allah ilayk, et c'est Dieu qui les a envoyés à toi. Wa man sabba al marad, celui qui insulte la maladie, fa ka'annama sabba Allah, il ressemble à celui qui insulte Dieu. Qala ta'ala, Dieu le Très-Haut dit dans un verset coranique, Allah huwa alladhi yatakallam wa la nabluwannakum. Ma fi shak wa la nabluwannakum, Allah yuqsim wa la nabluwannakum bi ayi shay bi shay'in min al-khawf wal-ju'i. Al-ju' ma yabqa 'indak 'amal. Al-khawf tasir harb, mudaharat ila ghayr dhalik, yamut an-nas, tuhis bil-khawf wal-ju'. Al-ju' tamshi amwaluh la 'amala lak بطالي ونقص من الأموال حريق المطر لا يأتي كل شيء يضيع والأنفس الأنفس الأنفس تموت زوجتك يموت ابنك يموت أبوك تسقط مريضا إلى غير ذلك والثمرات في الغلة الفلاحية والثمرات وبشر الصابرين أمام كل هؤلاء الابتلاءات بشر يا محمد بشر الصابرين. Nous vous éprouverons sûrement un temps soit peu. Il n'a pas dit un temps soit beaucoup ou grand, non, pas une petite dose de maladie ou autre, sûrement un temps soit peu par la peur lorsqu'il y a les guerres ou autre, la famine, la réduction des biens, tu tombes au chômage, tu ne trouves pas de travail, tu perds toute ta fortune, des personnes, c'est la mort qui frappe ton père, ta femme ou tes enfants, ou la maladie qui touche ton propre corps, des personnes et des récoltes, et annonce la bonne nouvelle aux patients. Fakul al-ibtila'at min Allah. Toutes les épreuves viennent de la part de Dieu. Quelqu'un va dire, et pourquoi ces épreuves? هي لما يأتيه الابتلاء المرض ويسقط على الفراش ولا ينفع الدواء كان يظن أن المرض يداويه الطبيب يداويه الدواء يبحث عن العمل عنده الدبلوم كان يظن بأن الدبلوم ستفتح له كنوز الأرض الدبلوم في جيبه ولم يقبله أحد ولم يستطع أحد أن يعينه هنا يفهم حتى أبوه لا يستطيع أن يعينه هنا يفهم لا إله إلا الله. Le fruit, mes frères et mes sœurs, des épreuves, c'est que lorsque tu as un enfant qui a la tête dure, qui ne veut pas croire à 100% à Dieu, qui ne veut pas faire la prière à l'heure, qui veut courir à gauche, à droite, comme les autres, tu lui dis attention, il n'écoute pas. Tu lui donnes les avertissements, il n'écoute pas. L'épreuve vient de la part de Dieu le Tout-Puissant. Il est paralysé. Le médicament n'a aucun effet. Il a un diplôme, il ne trouve pas le travail. Il pensait qu'avec le diplôme, c'est bon. Mais avec le diplôme, il n'a pas de travail. Son père n'arrive pas à l'aider. Tous les amis n'arrivent pas à l'aider. Là, lorsqu'il regarde à gauche et à droite son résultat, il va se diriger vers Allah Ta'ala wa Tabarak pour qu'il le guérisse. Ou pour qu'il lui ouvre la porte du travail avec des larmes, seul à seul avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Et Dieu va l'aider pour lui dire « Je suis là ». هذه قيمة الابتلاء وأكبر من هذا أن الله يغفر ذنوبك عند المرض أو عند الابتلاء et plus que ça Dieu efface tes péchés lors de la maladie ou lors de l'épreuve وأتساءل من أين يأتي الدواء je m'interroge d'où vient le remède ou d'où vient le médicament هناك من يظن بأن الطبيب هو الذي يداوي Il y a des gens jusqu'à maintenant qui pensent que c'est les médecins qui guérissent. رغم أن الله يقول على لسان إبراهيم malgré que Abraham prière et ça se lui dit dans un verset coranique وإذا مرضت فهو يشفين quand je tombe malade c'est lui qui me guérit. تأدبا مع الله نسب إبراهيم عليه السلام المرض لنفسه par politesse à l'égard de Dieu Abraham a rajouté la maladie à sa propre personne. Il a dit « Quand je tombe malade », au lieu de dire « Quand il me fait tomber malade, il me guérit ». L'asl an yakul wa ida amradani Allah huwa yashfin ta'abdub ma Allah qala wa ida maridtu ka'anni ana unadi ala al-marad ka'anni ana astati' an umrida nafsi fashafi هو الله le guérisseur n'est autre que Dieu الطبيب الحقيقي هو الله le vrai médecin n'est autre que Dieu والطبيب قال النبي صلى الله عليه وسلم le prophète prière et ça je lui dis ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء Dieu n'a pas fait descendre une maladie ou un mal sans faire descendre pour lui un remède ou une guérison muttafaqun alayh al-bukhari wa muslim wa ghayruhum unanimement authentique falladhi anzala ad-da' huwa Allah celui qui a fait descendre le mal ou la maladie s'appelle Allah celui qui a fait descendre le rhume s'appelle Allah celui qui a créé le virus du cancer ou du sida ou je ne sais pas encore autre chose ou n'importe quelle maladie, l'asthme ou autre, s'appelle Allah. Le seul créateur, la ilaha illallah, al-khaliq, alladhi khalaq al-marad, huwa Allah, walladhi anzala ad-dawa rahmatan lil-ibad, huwa Allah. Et celui qui a fait descendre la guérison par pitié, par clémence et miséricorde à l'égard des serviteurs, s'appelle Allah. Et le médecin ne fait que chercher le remède, la guérison qui est descendu par le Subhanahu wa Ta'ala jusqu'au point de la retrouver cette guérison. Et dans le cas où Dieu n'a pas fait descendre la guérison, le médecin serait incapable se plaindre de son Seigneur. Toutes les épreuves dont tu souffres viennent de la part de lui. Et lorsque tu parles avec les gens, tu critiques Allah pour sa décision. في أحد الأيام أحد الصالحين يعني أصابه العمى في إحدى عينيه عند سجود l'un des vertueux l'un de nos ancêtres vertueux a été touché par la cécité il ne voit plus il a perdu la vue avec un seul œil et il continuait à voir avec l'autre فقد عين من عينيه فقد البصر بعين من عينه فيرى بعين واحدة فصبر ورضي il a supporté avec passion et il a agréé ce qu'il a subi وكتم ذلك il n'a parlé à personne de tout cela وفي أحد أيام عرف ولده ذلك et un de ces jours son fils a détecté que son père ne le voit pas avec un œil عرف ولده الولد عرف أن أباه لا يرى بعين فقال له أبوه son père lui dit يا ولدي ô mon cher fils إني أكتم هذا حتى عن أمك منذ 40 سنة ô mon fils je cachais cela même vis-à-vis de ta maman depuis 40 ans أخذ الله عيني ولم أقولها لأحد Dieu a pris mon regard avec un œil et je l'ai dit à personne قال النبي صلى الله عليه وسلم le prophète prière et salut sur lui dit إن الله عز وجل يقول Dieu le très haut dit إذا ابتليت عبدي من المبتلي الله إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه Dieu dit quand j'éprouve mon serviteur ou mon adorateur de ses bien-aimés ou l'une de ses bien-aimés ou ses nobles bi'aynay ça veut dire ses yeux habibatay ma'na aynay fa sabra et dans le cas où il supporte avec patience awattuhu minhum al-janna akhud al-aynayn wa u'tihi al-janna idha sabr muttafaq alayh une ou rawahu al-bukhari wa at-tirmidhi wa ghayruhum Dans le cas où il supporte avec patience, je les lui remplacerai par le paradis. Je lui remplace ses yeux par le paradis. Rawah al-Bukhari wa al-Tirmidhi wa ghayruhum. Qala Allah ta'ala li Jibril al-Amin. Dieu le très haut dit à l'archange Gabriel. Ya Jibril, ma thawabu abdi idha akhattu minhu karimatayhi. Oh Gabriel, quel est le salaire de mon serviteur lorsque je le prive du regard par ses deux yeux ay faqad al-basar illa an-nadhara ila wajhi mana'tuhu min an-nadhar fi ad-dunya sa'umatti'uhu bin-nadhar ila wajhi ghadan yawm al-qiyamah wal-jiwar fi dari wa sayakun jari fi dari fi al-jannah lorsque je le prive et il supporte avec patience Il n'y a aucun salaire pour lui auprès de moi, à part que je lui permette de voir ma face. Je l'ai privé de voir les choses dont la vie ici-bas il a supporté. Là-bas, je vais lui permettre de voir ma face, moi Dieu, et de faire de lui un voisin dans mon paradis. Et les compagnons tous ont pleuré et ils ont souhaité que Dieu prenne leur vue. لا يذكر الصبر إلا ويذكر اسم ضربت بصبره الأمثال. On ne peut pas, mes frères et mes sœurs, parler de la patience sans parler d'un nom qui était symbole de la patience, qui était l'exemple même de la patience. وهو أيوب عليه السلام. Et il s'agit de Job, prière et salut sur lui. الذي كان جبلا من جبال الصبر. Job était une montagne parmi les hautes montagnes de la patience. الابتلاء الإلهي شمل ثلاثة أصناف. L'épreuve divine qui s'est abattue sur Job a touché trois catégories. شمل المال. Ça a touché la fortune. Est parti. الأولاد ses enfants, il a perdu ses enfants. والصحة. Et enfin, la bonne santé, il a perdu la bonne santé. أولاد أيوب ماتوا. Les enfants de Job qui remplissaient la maison sont morts, ont disparu. مال أيوب ضاع. La fortune de Job a disparu. صحة أيوب ذهبت. La bonne santé dont jouissait Job a disparu. Et il est resté ainsi pendant 18 ans. Maritan, malade. لم يبقى معه إلا زوجته الوفية. Il n'a été accompagné pendant cette durée que ou uniquement par sa femme fidèle, الصابرة, la patiente. Et avec tous les la souffrance, toute la souffrance de la maladie, كَانَ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَقُولُ لِرَبِّ الْعِزَّةِ Job disait à son Seigneur, اللَّهُمَّ ابْتَلِنِي بِمَا شِئْتَ فِي جِسْمِي. Ô mon Seigneur, éprouve-moi par ce que tu veux dans mon corps. وَلَا تَجْعَلِ الْبَلَاءَ يَتَصَرَّبُ إِلَى لِسَانِي. Mais Seigneur, ne laisse pas le mal se propager vers ma langue, حَتَّى أَظَلَّ أَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Afin que je puisse continuer à dire tout le temps, il n'y a aucune divinité à part Allah. يَا رَبُّ انظُرْ بِعَيْنِ الرِّضَى بِحَالِي وَكُنْ أَمَلِي عِنْدَ السُّؤَالِ فَإِنِّي عَبْدٌ قَلْبِي ضَعِيفٌ وَلِيَ ذُنُوبٌ مِثْلَ الرِّمَالِ. أحسن شيء أمام المصيبة الصبر والرضا. La meilleure chose qu'on doit faire devant le mal ou devant l'épreuve, c'est la patience et l'agrément. قال تعالى في آية, Dieu dit dans un verset coranique, إنما يوفى الصابرون أجرهم يعني كاملا بغير حساب. أجرهم بغير حساب. Seuls les patients reçoivent leur salaire pleinement et sans compter ou sans subir de jugement. وبعد 18 سنة, après 18 ans, ستتكلم زوجة أيوب عليه السلام. La femme de Job, prière et sage sur lui, va prendre la parole pour dire, بعد 18 عاما من الخدمة, après 18 ans de service, من غير كلمة أوف, sans jamais prononcer le mot fi, ou ouf, ou bof, من غير سب, sans insulte, بصبر ورضا, avec patience et agrément, ترافق زوجها في مرضه. Cette épouse accompagnait son mari lors de sa maladie. حتى ذهب شبابها. Cette femme a perdu sa jeunesse. ذهب جمالها. Cette femme a perdu sa beauté. لو كانت زوجة من نساء اليوم. Dans le cas où c'était une femme parmi les femmes d'aujourd'hui, la أخذت الحقيبة وتركته. Elle allait prendre la valise et l'abandonner. La طلبت الطلاق. Elle demanderait le divorce. La تركته في المستشفى وذهبت إلى بيت أبيها. Elle le laisserait à l'hôpital dans sa chambre pour aller vers son père. ونفس الشيء يفعله بعض رجال اليوم إذا مرضت زوجته مرضا لا علاج له. Et c'est la même chose que ferait un homme parmi les hommes d'aujourd'hui si sa femme tombe malade, une maladie incurable. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت على ما تنتحب الفتاة فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله مات. لقد ضاع المال يا أيوب. أو جوب. La fortune est partie. لقد ضاع الأولاد يا أيوب. أو جوب. Tous les enfants sont partis. لقد ضاعت الصحة يا أيوب. أو جوب. La bonne santé est partie. وأيوب يذكر الله ب بقلبه ولسانه ليلا ونهارا. Et pendant cette durée, Job ne faisait que mentionner, qu'évoquer Dieu le Tout-Puissant, jour et nuit, avec son cœur et avec sa bouche, sabiran radiyan lima arad Allah, avec patience et avec agrément devant la volonté de Dieu. Wadat yawmin, un de ces jours, qalat lahu zawjatuhu rahmatan bihi, sa femme lui dit par pitié à son égard, ala tad'u Allah أن يشفيك يا أيوب. Est-ce que tu n'invoques-tu pas Dieu pour qu'il te guérisse, au Job? فماذا قال لها؟ Quelle a été sa réponse؟ سألها أيوب. أيوب l'a interrogé. يا زوجتي, oh ma femme, كم سنة مضت علي وأنا صحيح الجسم؟ Combien d'années ou combien j'ai vécu d'années avec une bonne santé؟ فتقول له سبعون عاما. Elle lui dit 70 ans. يعني فلت سبعين عام. هل ظن أيوب أنه سيمرض 18 سنة؟ هل ظن أيوب أنه أولاده الأحباب سيضيعون؟ صحته ستضيع؟ ماله سيضيع؟ Pendant les 70 années, est-ce que Job a pensé qu'il allait tomber malade? Qu'il allait perdre ses enfants? Qu'il allait perdre sa fortune? وكم من واحد منا لا يعرف ما يخبئ له القدر ويضحك. Et combien parmi nous, frères et sœurs, qui rit, mais qui ne sait pas qu'est-ce que le destin lui cache. لهذا يجب أن نقوم بالأعمال الصالحة قبل أن لا نستطيع القيام بها. Raison pour laquelle, mes frères et mes sœurs, nous devons tous accomplir beaucoup de bonnes actions avant qu'on soit incapable. 70 ans. فقال لها, il lui dit, وكم سنة مضت علي وأنا مريض. Et combien d'années sont écoulées depuis ma maladie? قالت 18. Elle a répondu 18 ans. فقال لها, استحي من الله أن أسأل الشفاء قبل أن يمر علي 70 عام. Il a répondu, j'ai honte, j'ai la pudeur, toute la pudeur de dire à Dieu de me rendre la bonne santé avant de passer 70 ans comme malade sur le lit. La hawla wa la quwwata illa billah. Fil akhir, usikum wa nafsi bi taqwa Allah. À la fin, je vous recommande à moi-même la piété de Dieu. واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. عباد الله, adorateur de Dieu, نعود بسرعة إلى أيوب. On revient rapidement vers Job. وأتساءل, et je m'interroge, كيف فعل أيوب ليجد الشفاء؟ Comment Job a-t-il fait pour retrouver la bonne santé? إلى أي المستشفيات ذهب؟ Vers quel genre d'hôpitaux s'est-il dirigé? Amérique, am Europa, l'Amérique ou l'Europe? Aïnil Abouy Estahlek, quel genre de médicaments a-t-il consommé? Tawajjaha ila Rabbi, il s'est dirigé vers son Seigneur, fi adabi mokhushu, dans une politesse extrême et dans un recueillement total, wa tawadu'in wa khudu', et dans une humilité parfaite. Wa qala, il a dit, ya rab massani ad-dur, massani al-marad, massani ad-dur, wa anta arhamur rahimin, wa anta ya mawlay arhamur rahimin, ya rab massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Il dit, Seigneur, le mal m'a touché dans mon corps et tu es le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Ta'addaba ma'a Allah ka Ibrahim alayhi salam alladhi qala wa idha maridtu fa huwa yashfin. Il s'est adressé à Dieu avec politesse comme Abraham qui a dit, quand je tombe malade, il me guérit. Il n'a pas dit, Dieu, tu m'as touché par le mal. Il a dit, le mal m'a touché. Il voulait demander à Dieu la guérison, mais il ne l'a pas fait par pudeur vis-à-vis de Dieu. « Oh Seigneur, le mal m'a touché », il n'a pas dit « guéris-moi ». Il a dit « tu es le plus miséricordieux de tous les miséricordieux ». En principe, il devait dire, au Seigneur, tu m'as touché par le mal, guéris-moi de ce mal, et tu es le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فبين أنه في ضر. Il a dit, le mal m'a touché, tu es le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Il a montré qu'il est touché par le mal. يحتاج إلى رحمة. Ça veut dire, il a besoin d'une miséricorde. وأنت يا الله يا سيدي ويا مولاي أرحم الراحمين. Et la miséricorde existe auprès de toi, Seigneur. Tu es le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. وسكت. Et il s'est tu. لأنه أخذه الحياة. Parce qu'il a été envahi par la pudeur. Parce qu'il parlait avec Dieu. Il ne parlait pas avec un humain. Il parlait avec le connaisseur de toutes choses. Il ne parlait pas avec un ignorant. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu dit, nous répondîmes aussitôt à son appel. Dissipâmes le mal dont il souffrait. فَرَفَعَ اللَّهُ الضُّرَّ كُلَّهُ عَنْ أَيُّوبِ. Il a dissipé, enlevé tout le mal qui touchait Job. المرض وفقد المال وفقد الأولاد. La maladie, la perte de la fortune et la perte des enfants. مَنْ يَسْتَطِعُ فِعْلَ هَذَا. Qui est-il capable de faire cela? لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Il n'y a aucune divinité à part Allah. قَالَ تَعَالَ. Dieu dit, وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ. Et lui donnâmes les membres de sa famille. Wa mithlahum ma'ahum, et autant que avec eux. Faradda Allahu lahu ahlahu wa awladahu wa mithlahum ma'ahum fa sara indahu marratayn 'adad ma kana ma'ahu min qabl. Dieu lui a rendu ses proches qu'il a perdus et le double de ce qu'il avait avant la maladie. ورد الله له مالا. Dieu lui a rendu toute sa fortune. ورد الشباب لزوجته. Et Dieu a rendu la jeunesse et la beauté à sa femme. أي طبيب في الدنيا يفعل كل هذا. Quel médecin dans le monde ici-bas peut-il faire tout cela? Il te guérit, il te rend ta fortune et tes enfants. Ayoub, la miyakoubhade. Job n'a pas demandé tout cela, il a demandé uniquement la guérison. ولكن الله قال له, mais Dieu lui a dit, وآتيناه أهله ومثلهم معهم ليش رحمة من عندنا. Et lui donna les membres de sa famille par effet de notre miséricorde. وذكرى للعابدين, et comme rappel pour les adorateurs. رحمة من عندنا, un effet de notre miséricorde. يا أيوب, ô Job, هذه رحمة أرحم الراحمين. Voilà la miséricorde du plus miséricordieux de tous les miséricordieux. يا أيوب, يا من قلت وأنت أرحم الراحمين. Ô Job, ô celui qui a dit, et c'est toi le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. ها هي رحمة أرحم الراحمين. Voilà la miséricorde du plus miséricordieux que tous les miséricordieux. وذكرى للعابدين, et comme rappel pour les adorateurs, هذا الذي فعلت معك رحمة لك ولكل المؤمنين. Ce que j'ai fait avec toi est une miséricorde pour toi, mais pour tous les croyants. ذكرى للمؤمنين من بعدك إلى يوم الدين, pour que tous les croyants après toi se rappelle de cela. لِيَعْلَمُوا أَنِّي أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, afin qu'ils sachent que je suis le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, من كانت عنده مصيبة أو مرض, parmi nous, celui qui souffre d'un malheur, d'une maladie, فَلْيَتَوَجَّهْ إِلَى اللَّهِ بِسِهِ, qu'il s'adresse à Dieu avec toute sincérité, وَلْيَقُلْ دُعَى أَيُوبِ, et qu'il répète les invocations de Job, مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, le mal m'a touché Seigneur, et tu es le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. وَأَتَسَاءَلْ كَيْفَ شَافَ اللَّهُ أَيُوبَ, je m'interroge comment Dieu a guéri Job. الجواب قال الله في آية كريمة, Dieu dit dans un verset coranique, أُرْقُدْ بِرِجْلِكَ, frappe le sol de ton pied, حَرِّكْ رِجْلَكَ يَا أَيُوبَ, bouge ton pied ô Job, فَحَرَّكَ, il a fait bouger son pied, فنبعت عين ماء من تحت رجله, et une source d'eau a jailli juste en dessous de son pied. فقال له الله في الآية, Dieu lui dit dans un autre verset coranique, هذا مغتسل بارد, تغسل به, وشراب, voici une eau fraîche pour te laver, et voici de quoi boire. اغتسل يا أيوب بهذا الماء, lave-toi au Job avec cette eau, يزول الألم عن ظاهر جسمك, et la maladie va disparaître de l'extérieur de ton corps. واشرب الماء ليزول الألم من داخل جوفك, et bois l'eau, et la maladie ou le mal va disparaître de l'intérieur de ton corps. وشوف يا أيوب عليه السلام ورجعت إليه صحته, Job est devenu guéri, il a retrouvé sa bonne santé, ورجعت إليه قوته, il a retrouvé sa force. كان بإمكان الله أن يقول له كن فيكون, Dieu avait la possibilité de lui dire sois guéri, et il le devient. ويذهب المرض, et la maladie va disparaître. ولكنه قال له أركض برجلك, mais Dieu lui a dit bouge ton pied. مريض يركض برجلك, un malade incapable de bouger, immobilisé, va bouger, va faire bouger son pied. واغتسل بالماء, et lave-toi avec cette eau. مريض لا يستطيع القيام, un malade incapable de se lever. زوجته غائبة, sa femme était absente. يغتسل بالماء, il va se laver lui-même par l'eau. كل هذا ليبين لنا الله, tout cela pour que Dieu nous montre الأخذ بالأسباب, أن لا ننام, d'utiliser les moyens légaux, de ne pas dormir, أن لا نتكاسل, qu'on ne soit pas paresseux, ثم نطلب الله, et après on demande à Dieu. نعمل, نقوم بالواجب على قدر الاستطاعة, plutôt on doit œuvrer, on doit faire toutes nos possibilités, ثم نطلب الله, et après on demande à Dieu. الإسلام دين العمل وليس دين الكسل, l'islam est une religion d'œuvre et de travail, et non pas de paresse. وجاءت زوجة أيوب بعد غيابها, l'épouse de Job est revenue après son absence. فوجدت رجلا بصحة جيدة, elle a retrouvé un homme devant la porte qui a une bonne santé. رجلا قويا, un homme puissant fort. وليس مريضا, et non pas un homme malade. فظنته زائرا يزور زوجها المريض, elle a pensé que c'était un visiteur venu pour rendre visite à son mari malade. فقالت له يا أخانا ألا تعلم أين ذهب أيوب الذي كان جالسا في هذا المكان, elle lui dit ô frère, est-ce que tu ne sais pas où est parti Job qui était assis dans ce lieu. يا أيوب أين أيوب, ô Job, où est Job. زوجته لم تعرفه, sa femme ne l'a pas reconnu. أقرب الناس إليه لم يعرفه, la personne la plus proche de lui ne l'a pas reconnu. إنها قدرة الله, telle est la puissance de Dieu. فقال لها, il lui dit, إذا نظرت إليه تعرفينه, si tu le vois, est-ce que tu vas le reconnaître. قالت نعم, elle dit oui. فقال لها أنا زوجك أيوب, je suis ton mari Job. قد شافني الله, Dieu m'a guéri. نعم أيها الإخوة, oui mes frères et mes sœurs, الصبر مفتاح الفرج, la patience est la clé du secours. وأحب قبل النهاية أن أسأل الله هذا السؤال, j'aimerais avant la fin de poser cette question à Dieu. يا رب العزة, كيف وجدت عبدك أيوب في 18 سنة من المرض, comment tu as trouvé, comment tu as vu ton serviteur Job pendant 18 ans de maladie. Isma'u ila al-jawab ilahi, écoutez la réponse divine qu'il a eu le karima dans ce verset coranique. Inna wajadnahu sabira. Allah ra'a 18 sana kama qarib minhu wajadahu sabira. Inna wajadnahu sabira. Nabiqul sabr ayyub. Inna wajadnahu sabira. Nous l'avons trouvé plein de patience. Ni'ma al-'abd, quel bon serviteur de Dieu. Innahu awwab. Lihada summiya ayyub. Innahu awwab, il est toujours prompt à revenir au droit chemin. Shahadat imtiyaz min Allah li'abdihi ayyub. Une attestation d'excellence formulée par Dieu pour son serviteur Job. دعي المقادير تجري في أعمتها ولا تبي تم إلا خالي البال ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال قل لا إله إلا الله وأتحول بسرعة من أيوب عليه السلام إلى عصرنا. Je me déplace rapidement de l'époque de Job à notre époque. إلى المسلمين في عصرنا, aux musulmans à notre époque. المسلمون تركوا الإسلام. Les musulmans ont abandonné l'islam. المسلمون تركوا الله. Les musulmans ont abandonné Dieu. وتوجهوا إلى المخلوقات. Et se sont dirigés vers les créatures. توجهوا إلى من ضره أكثر من نفعه. Ils se sont dirigés vers celui dont la nuisance dépasse l'utilité. يا رب تركنا. Ô Seigneur, nous t'avons abandonné. يا أرحم الراحمين. Messimek, au plus miséricordieux de tous les miséricordieux, nous t'avons oublié. C'est la plus grande folie des musulmans à notre époque. Ils se sont éloignés de celui qui ressuscite les morts. ابتعدوا عن الذي يشفي المرضى. Ils se sont éloignés de celui qui guérit les malades. ابتعدوا عن الذي يغني الفقراء. Ils se sont éloignés de celui qui enrichit les pauvres. ابتعدوا عن ارحم الراحمين. Ils se sont éloignés du plus miséricordieux de tous les miséricordieux. فأصابتهم المصائب وحلت بهم الأمراض. Et ils ont été touchés par des malheurs, touchés par des maux et des maladies. والحل في كلمة. Et la solution réside dans un mot. لا إله إلا الله. Il n'y a aucune divinité à part Allah. والحل في الرجوع إلى الله. Et la solution se trouve dans un retour massif vers Allah. يا رب يا من لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت, يا واحدا في عليائك, يا سيدي يا مولاي, إذا ابتليتنا فلا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يا رب لا تبتلنا بأكثر مما نستطيع تحمله. يا رب يا من لا إله إلا أنت, اشفي مرضانا, اشفي مرضانا. يا رب اهد التائهين. يا رب رد الحيارى. يا رب اهدي العصاة. يا رب افرغ الخمارات واملأ المساجد. يا رب حل مشاكلنا. يا رب المسلمون في هذا العصر مشاكلهم ملأت السماوات والأرض, ولكن لا إله إلا أنت, سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا رب صل وسلم وبارك في هذا اليوم على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه وأزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا